Le 20 courant, le Palais des sciences et techniques à Pyongyang a abrité l'exposition des produits intellectuels. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, des cadres intéressés et des scientifiques, techniciens et inventeurs. L'exposition a pour son objectif de faire redynamiser dans tous les domaines et unités d'activité l'exploitation et la circulation des produits intellectuels comme les inventions et brevets compétitifs à l'échelle mondiale, conformément à l'exigence de l'époque de l'économie du savoir. Pendant la durée de l'exposition, il y aura également les cours exposés, cours de méthode, échange et circulation des produits.